Le journal d'internet sud-coréen Tongilius fait savoir qu'en Corée du Sud, le comité de mesures d'urgence des entreprises de coopération économique Sud-Nord a tenu le 16 une conférence de presse devant le siège gouvernemental à Séoul pour protester contre les autorités refusant la compensation des pertes dues au blocage des rapports intercoréens.